Chapitre 7. Mèche horaire, l'expert, pas le bénévole. La question du musicien d'église ne peut pas être traitée sérieusement sans examiner ce que la Bible désigne précisément par chantre. Et là encore, le retour aux termes originaux déplace radicalement la discussion. Chir et mèche horaire, la maîtrise dans le titre. Le terme biblique qui désigne le chantre ou le musicien liturgique est « mèche horaire ». C'est un participe dérivé de la racine « shir » qui signifie « chanter ou faire de la musique ». Mais la forme du mot est décisive. C'est un participe intensif, ce que les grammairiens hébreux appellent la forme « poel ». Cette forme intensive indique une action exercée avec insistance, répétition, maîtrise acquise et professionnalisme constitué. Un méchoreur n'est pas quelqu'un qui aime chanter lors des réunions. C'est quelqu'un dont chanter est la compétence définie, l'activité principale, l'expertise reconnue par les autres. Étymologiquement, le mot lui-même porte l'idée de l'art cultivé, du savoir-faire développé par une pratique soutenue et répétée. C'est fondamentalement un descripteur de compétences, pas de bonne volonté. Dit autrement, le chantre, au sens biblique du terme, c'est celui pour qui la musique est un métier. La distinction est nette. Elle était nette dans la Bible bien avant qu'on ne la formule dans le langage professionnel moderne. Tout le monde peut adorer. Personne n'est méchoreur par défaut. Cette distinction étymologique résout une confusion qui empoisonne le débat contemporain. L'adoration, chacha, proskuneo, est un mouvement intérieur du cœur vers Dieu. Elle est accessible à tout être humain, quelle que soit sa compétence musicale. Elle ne requiert ni instrument, ni voix formée, ni formation quelconque. Elle est l'élan libre et direct de la créature vers son créateur. Le travail du méchoreur est une autre réalité. Ce n'est pas de l'adoration en soi. C'est un artisanat mis au service de la communauté. Le méchoreur crée un espace sonore qui peut faciliter l'adoration d'une assemblée. Mais dans l'exercice de cette fonction, il accomplit un travail technique. Un travail qui demande des années de formation, une pratique quotidienne, une oreille musicale développée, une connaissance des harmonies et des arrangements. Tout le monde peut adorer, tout le monde peut même chanter lors d'un culte avec ses capacités propres, et c'est bien. Mais cela ne fait pas de chacun un méchoreur. La confusion délibérée entre l'adoration, accessible à tous, et l'expertise musicale, acquise par peu, au prix d'années de travail, est l'un des outils rhétoriques les plus efficaces pour effacer la dimension professionnelle de la fonction et réclamer ensuite la prestation sans contrepartie. L'atrio, la vie entière comme culte raisonnable. Paul écrit dans l'Épître aux Romains : Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, 1. Le mot latreia désigne dans sa racine grecque le service rendu pour un salaire, un travail contractuel. Avant d'entrer dans le vocabulaire religieux, c'était un terme économique. Paul l'utilise pour désigner l'offrande de toute la vie. Ce faisant, il réunit précisément ce que le dualisme avait séparé, la vie matérielle et le culte divin. Le méchoraire qui exerce son métier avec intégrité, qui consacre sa vie à la maîtrise musicale, qui met cette maîtrise au service des autres avec conscience. Toute sa vie est latreia. Et son expertise, quand elle est mise à disposition d'une institution qui en bénéficie, mérite une rémunération. Ces deux affirmations ne se contredisent pas. Elle se complète. Leçon 7. Le chantre, méchoraire, est étymologiquement un expert musical. Le mot même porte l'idée de la maîtrise répétée et professionnelle. L'adoration est accessible à tous et ne requiert aucune compétence technique. L'expertise musicale est le fruit d'années de travail. L'une est un élan du cœur. L'autre est un métier, Traiter le métier comme l'élan du cœur pour éviter de le payer est une manipulation lexicale.